Voici, en 1h05, toujours relié par des résumés empruntés à la toile, de larges extraits de la deuxième partie de la Chartreuse de Parme, publiée par Stendhal en 1839.